j'rappe ma vie. L-I-M-C, j'rappe ma vie. Agressif, authentique, j'rappe ma vie. Qui j'suis? MC m'a dit évasion. MC m'a dit évasion. Rap technique, voilà ma carte de visite. L-I-M-C, j'rappe ma vie. Agressif, authentique, j'rappe ma vie. J'rappe ma vie. Boum, et la